au fond près du radiateur sans suspension. Radioactif comme le nucléaire. On roule fonction. Chaque soir, chaque semaine, à chaque son. À chaque son. Tu veux mon nom? Au fond près du radiateur. Family beats, yo. J'ai des sujets mais c'est pas ceux qu'ils aiment aborder. J'ai des projets mais ils font tout pour les aborder. J'ai des messages mais pas ceux qu'ils aiment véhiculer. Ok my man, tous les mardis. On a des blagues mais c'est pas celles qui les font marrer. Everything I do gonna be funky. Au fond près du radiateur.fr. C'est pour les gens qui luttent de faire l'info. Les grains de gueule au fond près du radiateur. Quelle question tu veux que je te pose? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Step on and set control. De retour au fond près du radiateur. Tous les mardis, 19h à 20h30. Sur FPP 106.3 FM. Le vendredi matin, la rediff de 7h à 8h30. Et toujours faire attention aux flics, aux faf. Voilà, ben on va faire une petite pause musicale et puis on reviendra une fois de plus en essayant de faire notre propre info. 106.3 FM, poto. James, A-N-F-A-L-S-H, au fond près du radiateur. FPP 106.3. Bonjour, bonsoir et vous êtes bien les bienvenus sur notre émission Au fond près du radiateur sur la 106.3, fréquence Paris pluriel. Ce soir, nous allons aborder plusieurs sujets. On va d'abord accueillir Toria, qui est une aiguilleuse de la SNCF sur Paris-Est et syndiquée chez Sudrail. Nous allons donc reparler des 6 mois de grève, des journées d'action et des manifestations pour s'opposer tout simplement à la réforme ferroviaire du gouvernement. Ensuite, nous aurons le camarade Guillaume qui sera en direct de l'événement TDOR. C'est la journée du souvenir du trans à Pigalle. Moi, Imane, je vais me baser sur l'affaire du string en Irlande pour rebondir un peu sur tout ce qui est culture du viol, etc. Et voilà, et notre ami Robinson. Bonsoir à tous, merci Imane pour cette belle introduction. Alexis vient d'arriver à la technique, il va nous passer de belles musiques ce soir et en parler. Et là, il va pouvoir nous lancer une petite musique d'introduction et on arrive après. Et on aura Toria, hein, donc aiguilleuse sur Paris-Est à la SNCF. I'm run. Done, tripping out of that dumb little man thing. I can't be risking all of that shit if I'm on a mission trying to be the king. That's kind of dumb. Done digging in a rut, trying to see a sign shinier than what I'm digging with. Discipline and enough, isn't it? Bigger fish, they want to mirror it. I'm not a copycat, but the classmates want copy, man. I had to camouflage a little bit. I felt a little violated if I'm honest. And a nigga looking at me in the wrong way, it's going one way. I'm on a runway, I'm on a plane now, I'm going somewhere. They want to level with me, that's someday. I'm on big, big, big business. Go with a pen and pad, they couldn't mirror this. The man a little man, the man's a little fish. Bonsoir à tous, bienvenue au fond près du radiateur 106.3 FM ce soir avec Iman, Alexis et moi Rob. On a Toria au téléphone, est-ce que tu nous entends Toria? Oui, bonsoir, je vous entends très bien. Ah oui. Bah super, bah écoute, bienvenue dans l'émission en direct pour nos auditeurs. Donc pour leur expliquer un petit peu, on avait envie de revenir sur cette année de grande lutte chez la SNCF, ça n'avait pas eu lieu depuis quand même pas mal de temps. Ces 6 mois de grève, de journées d'action, de manifestations pour s'opposer à la réforme ferroviaire, voilà, du gouvernement. Et donc, pour commencer, voilà, Toria, est-ce que tu peux nous expliquer donc ton travail, là où tu travailles, etc. Oui, donc moi je suis agent circulation en fait à la gare de Vers. En Seine-et-Marne. D'accord. Donc, c'est sur la région de Paris-Est. Voilà, je suis agent SNCF depuis 2006, donc ça fait maintenant 13 ans que je suis dans l'entreprise. Ok, oui, d'accord. Voilà, et après, au niveau de cette grève en fait, du printemps dernier, ouais, elle a duré 3 mois, pas 6. Ah d'accord, ok, j'ai lu ça, enfin le conflit vraiment en fait, global. En fait, ça a commencé, depuis le rapport Spinetta qui a été publié février, le 15 février très exactement. Après on est plus ou moins encore dans la lutte parce qu'il y a toujours en fait... si tu veux des petites luttes locales qui ont en fait en lien la mise en application du pacte ferroviaire. D'accord. Et pour toi, pour raconter un petit peu peut-être comment ça s'est passé pour toi à la SNCF entre 2006 et jusqu'à cette année, au niveau syndicat, au niveau gouvernement, est-ce que vous pressentiez cette réforme? Depuis combien d'années à peu près vous sentiez ça? Je suis rentrée donc en 2006, donc juste avant la grosse grève sur les retraites donc de 2007. Dès que je suis rentrée en fait, je me suis tout de suite syndiquée donc chez Force Ouvrière. Directement. Quelques temps après en fait, c'était suite à un mouvement local que j'ai mené dans le sud de la France. Je me suis syndiquée chez Force Ouvrière où je suis restée en fait une bonne année avant d'être mutée sur Lyon. Ok. Donc et en fait j'y suis restée qu'une année parce que je me suis pas resyndiquée depuis plus de 12 ans parce que j'avais vraiment une déception envers les directions syndicales. Oui, j'étais tombée en fait en pleine période électorale, comme maintenant. et j'aimais pas en fait cette façon de procéder. Qu'est-ce qui s'était passé avec Force Ouvrière pour que tu quittes? Non, c'était pas Force Ouvrière. Principalement, c'était vraiment un ensemble, un dégoût en fait des directions syndicales, toutes ces magouilles en fait des directions. Enfin voilà, Mailly, Chérec, Bernard Thibault, enfin tous ces grands patrons des syndicats en fait qui sont là et qui attendent d'avoir une place dorée et qui nous vendent en pâture aux patrons et au gouvernement. D'accord. Voilà ça. Ça, je l'avais en travers de la gorge et sur les différents mouvements ouvriers qu'il y a eu à la SNCF depuis 2007. Donc 2007, on a dû rendre les armes parce que voilà, c'est les directions syndicales qui l'ont demandé. Voilà, on arrête et tout. Ah, qui ont demandé à la base que vous Voilà. D'accord. Alors ils l'ont fait souvent, ça, depuis. Ils l'ont fait souvent et depuis 95, on n'a plus rien gagné. Donc... Il y a des accords qui sont trouvés entre les patrons et les directions syndicales et voilà, c'est quelque chose qu'on dénonce, enfin que moi J'ai toujours été en... Et ils vous ont dit de vous calmer, d'arrêter tout. Et, C'est ça. Donc, c'était en pleine... 2007, après c'était 2000, il y a eu 2010, il y a eu 2014. 2014, c'était le pacte ferroviaire. Les paquets ferroviaires, les quatre paquets ferroviaires. Donc, qui annonçait, en fait, c'était les prémices de ce qui allait se passer là en 2018. D'accord. Donc, moi, en fait, 2014, je savais déjà que ce qui allait se passer en 2018. Qu'est-ce que c'était alors Les paquets ferroviaires, c'était l'ouverture, c'était les traités, la mise en application des directives européennes pour l'ouverture à la concurrence. Ouais. Donc, c'était pas encore, on va dire. C'était une préparation, c'est ça. C'était une préparation, voilà, ils ont préparé le terrain et puis. Et ça, on l'a très peu. J'ai trouvé qu'on l'a très peu, voire pas entendu au cours de cette année. Qu'à la base, c'est vraiment une décision de l'Europe d'ouvrir complètement le ferroviaire à la concurrence, et que c'est pas une décision de notre gouvernement, voilà. Mais ils sont obligés de l'appliquer. Oh. Moi, j'avais lu que c'était pour 2019 ou 2020. Il fallait que ça soit fait, quoi. Oui, en fait, en fin de compte, parce que les directives européennes n'imposent pas la manière de procéder au pays après l'ouverture à la concurrence. Les entreprises concurrentes, en fait, sont déjà sur place. On travaille déjà avec eux. Mmh. Mais je veux dire, après la privatisation de l'entreprise, donc la transformation de EPIC en établissement public à capitaux privé, justement, c'est privé, ça, ouais. Je m'embrouille. non, c'est pas grave. C'est société anonyme avec capitaux publics. Oui. Voilà, c'est un truc comme ça. Ouais. Ça, en fait, ce changement, en fait, d'état de l'entreprise n'a pas lieu d'être. Ça n'a jamais été demandé par les directives européennes. Ça, c'est une volonté gouvernementale. Ah, c'est le gouvernement, en fait. D'accord. Comme ils ont fait avec EDF, c'est ça? Exactement. C'est uniquement, il a été longtemps, enfin, il a été tout au long du mouvement. Question de rajouter, donc, c'était des capitaux incessibles. Inaliénable, je veux dire incessible, c'était quelque chose qui avait été discuté, mais inaliénable, c'était hors de question. Donc, du coup, on comprend bien la volonté gouvernementale, en fait, à terme de privatiser le transport ferroviaire. Ouais. Et alors, du coup, tu t'es re-syndiqué récemment, alors l'année. Quand je suis rentrée dans le mouvement, donc en avril, le 2 avril, oui. Ça a commencé le 2 avril, la grève SNCF. Non, j'étais pas syndiquée et je tenais en fait toujours cette même vision en fait des directions syndicales pour moi qui nous trahit en fait nous le gréviste, celui qui perd vraiment d'argent parce que après moi, je veux dire, moi, comme beaucoup d'autres, on aimerait bien voir, en fait, si ceux qui nous dictent, en fait, notre manière de diriger notre grève, combien d'argent ils perdent, etc. Ça, on ne saura jamais. Oui, d'accord. C'est des permanents syndicaux et tout, donc ils nous envoient un peu au casse-pipe et puis sans vraiment, en fait, se préoccuper, en fait, de ce qu'on... De ce qu'on veut vraiment. Nous, on était prêts à rentrer dans une grève dure, donc une grève reconductible. Eux, ils étaient mous, c'est ça, parce qu'ils ont mis deux, trois mois avant de se lancer. Ils ont mis du temps avant de se lancer. Donc, il y a eu le 15 février, c'était la publication du rapport Spinetta, donc qui parlait des suppressions de lignes, etc. Et tout le démantèlement de l'entreprise. On a eu un 22 mars comme date de première mobilisation. De mobilisation, exactement. Il y a pas tous les syndicats ont appelé à la grève ce jour-là, mais c'est un jour qui a été vraiment très suivi par la par l'ensemble des cheminots. C'est, on a eu des taux records à ce moment-là. Oui. Et après, on comprend pas pourquoi, en fait, on a dû attendre jusqu'au 2 avril, en fait, pour commencer quelque chose, enfin une nouvelle stratégie ingénieuse sortie tout droit du chapeau des directions syndicales, le 2 sur 5, le fameux 2 sur 5. Oui, ça a étonné beaucoup. Bah, tu peux expliquer aux auditeurs voilà, le début du lancement de la. Voilà, l'ambiance aussi, et expliquer ce 2 sur 5. Ben, c'est. Voilà, c'est. À la, c'est suite, en fait, à une sortie de d'intersyndicale, en fait, qu'on apprend par voie de presse que la fédération. La fédération. Que la méthode, en fait, pour cette grève serait, en fait, de faire 2 jours de grève et 3 jours de retourner 3 jours au travail. Ouais. Pour qui a décidé de ça, enfin, comment ça, c'est quoi ce... Alors il a été dit que ça a été c'est que ça a été, en fait, une remontée des adhérents des syndicats, mais bon, nous, je... Vous en aviez pas parlé, c'était à quel... Après, à quel... j'étais pas syndiquée, donc je comprends pas, en fait, pourquoi on demande à la base, je comprends même pas pourquoi on prenait, en fait, les syndiqués, mais, et on demandait pas aux autres, à ceux qui n'étaient pas syndiqués, parce qu'ils ont quand même aussi leur mot à dire. Pour ceux qui rejoignent sans étiquette la grève reconductible, mais c'est pour ça. Ils n'ont jamais été interrogés, mais alors c'est à chaque mouvement, chaque truc, c'est la légitimité est donnée aux syndicats et les autres, ils doivent suivre. D'accord. Et puis ils doivent fermer leur gueule et puis voilà. D'accord, ouais, ça a plutôt mal commencé déjà à ce niveau-là. Déjà, ça a créé vraiment. Une baisse de morale, parce que je le dis, c'est le 22 mars, c'était vraiment une date, on voyait que les cheminots en voulaient en découdre et qui étaient prêts à se lancer dans la bataille. Et ils ont un mois d'attente avant les premiers la riposte. Oui, 15 jours avant que avril, le 2 avril, donc ça faisait presque 10 jours avant que ça commence vraiment. Mais pendant cette période-là, donc on a su cette stratégie, cette nouvelle stratégie. Donc l'argument qui a été avancé, c'était pour que les cheminots ne perdent pas trop financièrement, etc. Mais oui, mais ça, on commence pas une grève, ou alors on fait des grèves. Enfin, la tactique est vraiment incompréhensible. En fait, ouais. J'ai pas compris, en fait, ne serait-ce que. Ok, si les gens ne voulaient pas perdre de l'argent, mais pourquoi le calendrier en lui-même a été donné et a été publié au niveau de la direction, qui avait donc 3 mois en avance, pouvait s'organiser pour chaque jour qui a été donné, s'organiser pour les jours de grève. C'est pas comme ça qu'on désorganise, en fait, une production. C'est pas comme ça qu'on arrive à atteindre. À faire plier et à paralyser complètement. Exactement. Elle a juste eu à s'organiser pour contrer, en fait. Et on a tenu 3 mois. 3 mois comme ça. Et bille en tête, on s'est. Par rapport à ce mouvement, il y a eu une structure parallèle, en fait, qui s'est organisée. Oui. Qu'on appelle de l'auto-organisation. Des comités de grève ont commencé à pousser un peu partout en région parisienne et en dehors, enfin en province. Et en Île-de-France, on s'est réunis, en fait, tous ces comités de grève sont réunis dans un collectif qu'on appelle le collectif Intergare. Et donc, c'est un collectif qui se voulait justement d'auto-organisation. Avec des gens syndiqués et non syndiqués qui justement avaient une vision critique, en fait, des directives qui remettaient en question ça en question les directives des directions syndicales. Et moi c'est comme ça, en fait, que je suis rentrée dans l'action, dans un comité de mobilisation, celui de Paris-Est. D'accord. Où petit à petit, en fait, et à à notre petite échelle. Je veux dire, moi et quelques camarades, on partait, on allait rencontrer d'autres secteurs, on parlait avec les gens. Faire du lien, de l'entraide, de la convergence, comme on dit. On faisait les caisses de grève, on avait récolté 10 000 euros le jour de la fête à Macron, juste par Yes. Hein. D'accord. Et puis il y a eu une cagnotte sur internet de soutien qui était d'euros. Enfin, c'est quand même d'une somme exceptionnelle. Voilà. Et partout on nous disait oui, mais les gens ne nous soutiennent pas. Enfin, ça c'est le discours en fait de certains cheminots, parce que nous qui avons vécu, enfin pour ceux qui surtout en Île-de-France et qui avons mené le combat de front pendant, enfin qui sont inscrits sur une grève reconductible, on était au devant des secteurs, on était au devant de d'autres secteurs en lutte et au devant des usagers. Et vraiment, au début, ils étaient hostiles, les gens, ça c'est normal, on écoute ce qui se passe à la télé, ce qui se dit à la télé, mais quand on discute vraiment des fonds, du problème et tout, les gens comprennent en fait. Ils sont pas contre, bien sûr. Et quand on leur explique que ça a un impact en fait sur ce que ça va être plus tard, la privatisation, de toute façon, là, ils le voient maintenant, hein, les suppressions de lignes. Mais ils ont été complètement désinformés, il n'y a pas eu d'explication des conséquences, que dans la critique du blocage, prise en otage, etc. Que ça. Mais ça, c'était... C'était pas en fait le discours que nous on entendait quand on était en manif, quand on était avec d'autres secteurs, avec d'autres personnes et tout. Ouais. On avait vraiment de la compréhension, enfin juste de voir la cagnotte, de toute façon ça nous redonnait vraiment du courage et de l'espoir et tout pour continuer en fait sur cette voie là. On n'a jamais eu d'altercation avec des usagers, la première fois en fait que ce mouvement avait basculé dans une que ça a été bien pris au niveau de des usagers. Un soutien, oui, oui. Ça n'a pas commencé tout de suite, mais je veux dire quelques semaines après, ça a commencé le soutien a commencé à venir de partout. Les gens nous arrêtaient, nous disaient ne lâchez pas. Dans toutes les manifs, les actions qu'on a pu mener avec l'Intergar, il y avait des torches, il y avait des on y a participé, c'était puissant, il y avait vraiment une énergie, ils étaient déterminés, belles manifestations, ils sont hyper organisés, hein. Voilà. Et malgré ça, l'ignorance totale, on l'a vu, hein, du gouvernement. Le gouvernement, j'ai envie de dire comme actuellement, hein, ils maintiennent. Oui, c'est pas nouveau. On voit avec les gilets jaunes, le mouvement des gilets jaunes. Il a le même mépris en fait pour le, j'ai envie de dire le petit peuple, les travailleurs, les retraités, les ouvriers, les chômeurs, enfin tout. Il joue son rôle complètement. Du pays, voilà. Donc ils nous ont méprisés. Comme là, ils voient qu'ils sont méprisés aussi. On voit qu'en fait, on peut faire ce qu'on veut. Il ne pliera pas. Enfin, pour l'instant, hein. Mais on. On est presque dans une politique quand même autoritaire. Les ordonnances qu'il a fait passer l'année dernière. Et là, il y a eu des ordonnances aussi. Donc la loi, elle a été adoptée en juin 2018. Oui, tout à fait. Elle a été finie d'être votée en juillet, non, par le Sénat ou je ne sais plus. Par la commission mixte paritaire en juillet, oui. Mais elle sera mise en application que dans un an, donc en juin 2019. Mais le pacte ferroviaire adopté, que l'entreprise a commencé tout de suite le démantèlement d'entreprise. Hein. Elle a créé des milliers de filiales pour pouvoir en fait se dire ça c'est pas rentable, je vends, ça c'est rentable, je garde. En même temps, il y a 150 cheminots avec un statut qui sont dans cette filiale, on va les vendre avec, parce que c'est ça aussi, hein, c'est aussi, on nous a menti, on nous a dit que notre statut ne bougerait pas, qu'on toucherait pas en fait à notre statut. Mais quand on regarde les textes et Pépi, enfin Guillaume Pépi et la ministre des Transports l'ont dit récemment, c'est que pour le passage d'une filiale, enfin d'un secteur au privé, on cède aussi notre statut de cheminot. Après, on se battait pas que pour ça, mais ça en faisait partie, et pour dire en fait le mensonge d'État, en fait, c'était vraiment et c'est pas faute d'avoir parlé avec les agents qui ne s'inscrivaient pas dans la grève et qui ne se sentaient pas concernés parce que vous êtes trop pessimiste, vous voyez tout en noir, etc., etc. Alors que voilà, maintenant, c'est la réalité. Tu peux réexpliquer comme ça pour les auditeurs. Qu'est-ce qui était dans le pacte ferroviaire ? Voilà, quelle loi, et puis les conséquences possibles. Au niveau du pacte ferroviaire, donc voilà, suppression. Il y a suppression des petites lignes. Donc il y a 9000 km de petites lignes qui vont être supprimées dans toute la France. Donc tout ce qui n'est pas rentable en fait, dans les petits villages, etc. Oui, oui, complètement des cloisons. Enfin, et puis il y a comment dire, donc comme là on voit aussi tout ce qui est bureau de vente, accueil, etc. Enfin, information voyageurs, tout ça c'est en train d'être fermé. Les boutiques SNCF, oui. Les boutiques SNCF, tout ça c'est en train d'être retiré, fermé. Donc tous ces agents là se retrouvent en fait sur le carreau, quoi. Je veux dire, non plus leur métier qu'ils ont fait depuis qu'ils sont rentrés à la SNCF se retrouve supprimé du jour au lendemain. C'est ça. Du coup, on leur demande soit de partir à 100, 150 km de chez eux, donc faire des grandes missions, etc. Mais quand on a des enfants, quand on a acheté une maison et qu'on a un crédit maison, etc., on ne peut pas se permettre, surtout en plus, à l'heure actuelle, avec l'augmentation du prix du carburant, on ne peut pas se permettre de dépenser autant d'argent pour aller bosser. Enfin, ça devient une contrainte journalière. Voilà, il y a plein de suppressions de postes. Si on n'accepte pas, soit on est viré, soit maintenant la question justement de licenciement avant ne se posait pas parce qu'on avait on était protégé en fait par il y avait un statut de on pouvait pas être licencié comme ça. Ils détruisent en fait c'est en prenant énormément de recul. Qu'est-ce que veut le gouvernement ou même la Commission européenne derrière cette privatisation ? Quel est l'objectif ? En fait, c'est comme d'habitude avec la santé, l'éducation, cette année ou le travail, c'est d'ouvrir, de faire de la création de richesses, parce que c'est ça qu'il faut voir derrière. Ça permet en fait de démanteler complètement la SNCF et de tout déstructurer et fermer au maximum, dépecer en fait la structure et l'animal, pour après mieux le fermer et le revendre avec énormément de capitaux qui vont arriver à l'État, hein, comme avec l'EDF, comme avec France Télécom, comme avec les barrages, etc. Et derrière, tu as Carrefour, tu as Altice, tu as SFR, tu as Bouygues, Lagardère, LVMH, qui vont arriver et acheter telle portion de ligne Paris-Bordeaux, telle portion Suisse-Paris, les intercités, bon, évidemment, ils ne vont pas trop les prendre parce qu'ils vendent les billets moins chers, etc. Et les TER, n'en parlons pas. Ils ne vont pas payer un TER et revendre des prix. Ça ne va pas marcher. Donc l'objectif, pour expliquer aux auditeurs, c'est purement ça. Pour les amis de Macron, sa famille, son 1% de très riches, ouvrir le marché. Une fois de plus, et il y a plein d'autres entreprises comme ça. Il va vendre encore 10% des actifs de l'État là, entre maintenant et les prochaines années, ce qui a déjà été fait auparavant. Enfin voilà, c'était pour expliquer un peu Qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est la privatisation du service public. C'est un démantèlement de tous les services publics. Il n'y a pas que la SNCF. On voit sur les hôpitaux, tout doit être rentable. Mais j'ai envie de dire, quand c'est public, ça n'a pas à être rentable. On doit fournir un service de qualité. C'est nous tout ce qu'on demande en tant que cheminots. Mais il y a aussi les hospitaliers, il y a aussi les postiers. Mais c'est ça, le but, c'est que ça bénéficie à le plus de monde, mais au prix moindre. Parce que si c'est rentable, justement, on a une SNCF qui va vendre des prix le week-end deux fois, trois fois plus élevés pour ces objectifs-là. Voilà. Alors que ça devrait être un moyen de transport financé par les impôts, partagé par tout le monde, un peu comme les routes de base. Voilà. C'est un peu l'exemple. C'est que c'est un service qui devrait être gratuit et qui devrait rentrer dans la transition écologique. On en parle, on n'arrête pas d'en parler, mais qu'est-ce que fait en fait le gouvernement pour la transition écologique ? Elle s'en fout complètement, c'est juste un mot comme ça pour faire bien devant l'ONU et être déclaré Monsieur Planète. Mais à côté, il fait rien, je veux dire, c'est juste du blabla. Et du coup, malgré, qu'est-ce qu'il en est depuis la rentrée ? Je sais qu'il y avait eu un autre rassemblement, mais bon... Comment ça se passe au niveau syndicat, toi en entreprise comment ça se passe maintenant et pour l'avenir, qu'est-ce qui est prévu ? Enfin, je sais pas. Après la fin de la grève de 3 mois, il y a eu beaucoup de cas de répression. La direction l'entreprise a tout de suite mis en place plein de sanctions et tout pour fait de grève, pour des choses complètement aberrantes. Ça, c'était vraiment généralisé, on va dire, sur l'ensemble du territoire. Pas sur Paris, bizarrement. Peut-être parce que l'intergare était là et qu'on leur faisait peur. C'est possible. Parce qu'on est, il y a eu envahissement de Saint-Denis, du siège. Je pense qu'ils s'en rappelleront pendant un petit moment parce que ils sont allés sur le toit, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ce jour-là, oui. Là, ça a donné en fait plus de puissance aux petits chefs Et du coup, il y a eu beaucoup de répression, peut-être comme des mises à pied, ça a été jusqu'à demande de licenciement. Et ça, pour des agents, c'est extrêmement dur à vivre. Enfin, c'est une épée de Damoclès sur la tête qu'on traîne pendant plusieurs mois parce que cette procédure, elle met longtemps avant d'être active ou... Ils vont essayer de vous attaquer au maximum. J'imagine que vous organisez votre défense. Pour conclure, parce qu'on va devoir malheureusement terminer pour passer à la deuxième partie de l'émission. Mais pour conclure, comment tu peux nous dire qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour se tenir toujours informé ? Qu'est-ce qui est prévu peut-être pour l'année prochaine ou simplement ? Concrètement, on est en train de... on va être attaqué sur les retraites, mais ça, c'est une attaque généralisée, en fait. Hein, c'est pas que la SNCF, c'est tous les régimes de retraite qui vont être attaqués. Du coup, on va voir, en fait... Ce collectif Intergare, il a déjà le fait d'avoir été créé et mis en place. On a pu, pour un autre mouvement, qu'importe le mouvement, on arrive à s'organiser très rapidement pour se retrouver très rapidement et mener des actions. Vous êtes très solidaires, il y a une entraide, ça s'est inscrit. Oui, et c'est surtout ce truc de... On est entre syndiqués et non syndiqués, on fait des actions, peu importe l'étiquette syndicale, et c'est quelque chose qui se veut en fait vraiment solidaire et un esprit de cohésion et pas d'attaque uniquement de couleur, d'appartenance syndicale, etc. Et donc je pense que c'est la base ouvrière, la base cheminote, peu importe. Enfin, je veux dire, c'est la base. Elle est extrêmement solide. Ils veulent la détruire, l'affaiblir. Oui, mais ça, on le voit même là avec les élections professionnelles, etc., qui en ce moment, je veux dire, il y a vraiment des gens qui se sentent désabusés par rapport aux syndicats, aux politiques, etc., et qui se retrouvent en fait dans une situation où ils ont même plus envie de faire confiance à qui que ce soit. Mais on espère en fait que que ça soit juste passager et que justement les gens se reprennent en main, et que cette solidarité, cette cohésion en fait de lutte reprennent pour les prochaines étapes de lutte. Ouais. On espère avec la radio et l'équipe que peut-être des collègues vous ont entendu ce message et puis on était très contents de t'écouter sur ce sujet, même s'il n'est pas dans l'actualité politique. Et avec plaisir, tu viendras à l'émission en reparler et on se tiendra informé. Ouais, il n'y a pas de problème. Donc merci à toi. Merci à vous. Ouais. Bonne soirée à toi et à très vite. Alors merci Toria. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Guillaume est en ligne. Donc dans ce cas, une pause musicale, Alexis, s'il te plaît. Set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart, I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. I don't want to set the world on fire, honey. I love you too much. I just want to start a great big flame down in your heart. You see, way down inside of me, darling, I have only one desire. And that one desire is you. And I know nobody else ain't gonna do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just wanna be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Bonsoir à tous, bienvenue à nouveau sur Au fond près du radiateur, deuxième partie de l'émission avec Guillaume en ligne. Oui, bonsoir. Donc je me trouve en duplex là du coup de Absolument. Pigalle pour un événement Bienvenue. De célébration qui est le Tidor, donc le jour de la mémoire trans. Je suis en compagnie d'Hélène ce soir. Bonsoir Hélène. Salut Hélène. Hello. Bienvenue. Donc Hélène, peut-être que tu pourrais te présenter pour les personnes qui nous écoutent, nous dire qui tu es. Qui je suis. Bon, disons que j'ai 66 ans et que j'ai atterri à Pigalle, j'avais une vingtaine d'années et que j'en suis parti vers 25-26. Et les 5 années où je suis resté, elles sont très vivace quand même. Quand tu parles de vivacité, toi, sur cette place Pigalle, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de pourquoi cette place Pigalle, ce qu'elle représente pour toi, et est-ce que ça représente d'être là ce soir pour la journée de la mémoire trans? À cette époque, il y avait déjà des trans qu'on assassinait, mais il y avait pas de, on se réunissait pas, on se réunissait pas. Voilà. C'est un petit peu la jolie nouveauté. C'était en même temps très dur et en même temps, il y avait quelque chose de magique là-dedans. Et donc aujourd'hui là, si on est là cette année, c'était à l'appel de l'association Accept Transgenre. Voilà. On a eu pas mal de personnes trans cette année qui ont été assassinées, des personnes travailleuses du sexe trans, des personnes séropositives trans qui ont été assassinées. Toi quel regard tu as là-dessus aujourd'hui? On ne peut qu'être indigné, tu vois, de la campagne des abolitionnistes. Ça dure depuis 4-5 ans et on leur a tout de suite dit, avec votre technique, les trans sont obligés de se cacher à l'intérieur des forêts et à l'intérieur des forêts, les trans ont trouvé des gens qui vont les assassiner. C'est quelque chose de totalement... on l'a prévu. C'est ça qui est horrible. C'est quand on a prédit quelque chose et que ça arrive. Et les abolitionnistes font un truc en disant on va vous poursuivre si vous dites que c'est de notre faute. Évidemment, c'est de leur faute. Et donc aujourd'hui, on est, je crois, à 72 personnes assassinées cette année. Hein. On n'a pas encore fini l'année, mais on est déjà à plus de 70 personnes assassinées. Pour toi, il y a quelque chose à faire face à toute cette violence. Arrêter cette loi absolument lamentable. Je veux dire, si on veut aider les putes à faire autre chose, moi ça me dérange, mais absolument pas. Mais pas. Oui, Guillaume, tu m'entends? En leur envoyant les flics. Parce que c'est ça le. Hélène, tu m'entends ou pas? C'est les féministes, on appelle les flics. Moi, je ne crois pas que la police ait la meilleure solution, surtout que j'ai connu des policiers proxénètes. J'ai connu des policiers proxénètes, je le répète. Tu disais quelque chose, me semble-t-il, Robinson, je ne t'entends pas spécialement bien. Oui, je disais juste simplement, essayez de parler peut-être 5 cm derrière le micro, parce que parfois ça crépitait très fort, voilà, simplement. Alors après, il y a pas mal de passages aussi à Pigalle, c'est la situation qui fait que c'est un peu compliqué, et puis il fait froid, du coup le micro il est un d'accord. Peu... D'accord, ah oui, les conditions du direct sont très très difficiles. Voilà, on est dans des conditions dignes de l'Himalaya là, si tu veux. Eh bien on est tolérant alors. Là, on va peut-être clôturer rapidement avec Hélène, si tu as peut-être un dernier mot à dire à nos auditeurs, sur ce que représente ce rassemblement aujourd'hui pour toi, si c'est de l'espoir, si c'est... Moi, ça représente une chose dont j'ai fini par me rendre compte, c'est la putophobie, à quel point c'est fort et puissant en France. On s'est retrouvés avec des trucs, il y avait les anards d'un côté, les sarkozistes, la main dans la main, c'est quand même ahurissant. Il faut que les anards se réveillent. Bon, je suis plutôt anard. Donc, je le dis, on ne peut pas accepter ce truc, que ce soit la police qui vienne régler les problèmes. Merci beaucoup, Hélène. C'était un plaisir de t'avoir avec moi ce soir pour parler du Tidor. J'espère qu'on te reverra bientôt, peut-être dans de meilleures conditions, juste pour peut-être clôturer ce duplex. En fait, cette année, hein, le mot d'ordre en fait était vraiment contre les meurtres qu'avaient pu subir les différentes personnes trans cette année, principalement hein, des personnes comme Vanessa Campos, mm-hmm. Qui est une prostituée, donc travailleuse du sexe, trans étrangère, qui a été assassinée au Bois de Boulogne pendant l'été. C'est aujourd'hui un petit peu en sa mémoire qu'ils sont là, mais c'est en la mémoire de tous les gens, toutes les autres personnes trans qui ont été assassinées cette année, qui ont été assassinées depuis bien trop longtemps. Et là, je vais devoir clôturer le direct parce qu'ils vont faire une minute de silence. Non, il n'y a pas de souci. Continue et tu peux nous parler des prochains rassemblements ou voilà là-dessus. Alors, il y a pas mal de rassemblements hein, là qui sont à venir, pas forcément en ce qui concerne les personnes trans. Il y a la semaine, la quinzaine intersexe qui s'est clôturée là, dernièrement. Mais prochainement, on sait qu'il y a pas mal de manifestations à venir, hein, outre le mouvement actuel des Gilets jaunes. Le 1er décembre, va y avoir un gros appel à manifester, un appel qui vient aussi bien des syndicats. Hein, la CGT portait un appel tout à l'heure à ce qu'un maximum de personnes se mobilisent le 1er décembre dans les rues pour manifester. Il y a également un appel qui est fait par les chômeurs. Un appel qui est fait par le collectif Rosa Parks, qui est un collectif qui représente en fait des personnes migrantes, des personnes dites sans papes. Et toutes ces personnes-là vont se rassembler. Il y a également la manifestation, hein, comme tous les ans, du 1er décembre, qu'organise Act Paris dans le cadre de la Journée mondiale contre le SIDA. C'est un petit peu à ce jour-là, ce qui est recherché par plusieurs personnes, c'est une convergence des luttes. Plusieurs personnes qui vont lutter le même jour, pas forcément au même endroit, mais qui vont prendre place sur la place publique, qui vont se déplacer, qui vont peut-être foutre un petit peu le bordel, mais c'est un petit peu le but finalement, c'est d'éveiller les consciences, peu importe le prix. Je pense qu'on se rend compte aujourd'hui que les pouvoirs publics se moquent clairement de la population, que les différents médias ne parlent pas du tout. On le voyait là très dernièrement avec François Aquitaine qui censurait une de ses journalistes en plein direct, qui coupait le direct tout simplement. Aujourd'hui, je pense que c'est le moment finalement pour que toutes les personnes qu'on a essayé de taire pendant des années puissent tout simplement reprendre la parole et prendre leur parole en main. Voilà. Très bien, mais merci pour ton appel. Alors en direct. Je n'entends plus. Oui, tu m'entends là ? Oui. Oui, merci pour ton appel en direct. Merci à Hélène également. Eh ben elle te remercie. On la salue bien et elle est toujours la bienvenue dans l'émission. Elle était déjà venue il y a quelques temps. Eh ben, je pense que ce sera avec grand plaisir qu'elle viendra prochainement peut-être pour parler de la vie qu'elle a pu avoir et des combats qu'elle a pu mener tout au long de sa vie. Parce que Hélène, c'est une vie de lutte qu'elle a eue et je pense que ça pourrait être très intéressant de la rencontrer. Ok. Voilà, je vous souhaite du coup à tous une bonne soirée. Et puis moi je vais aller me recueillir avec tous ces gens qui sont là ce soir et je vous en dirai plus la semaine prochaine. Très bien, mais merci à toi, la semaine prochaine merci sur le plateau. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup. Alors on revient donc avec Alexis qui va nous passer plusieurs pauses musicales ce soir. Rebonjour, rebonsoir, vous êtes toujours en direct de l'émission Au fond près du radiateur, 106.3 FM, fréquence Paris pluriel. Donc moi je vais vous parler de ce qui s'est passé en Irlande et je vais aussi un peu parler de la culture du viol, notamment de la question de la bonne ou de la mauvaise victime, aussi du rapport à l'homme qui est très peu dénoncé dans ce combat. Mais avant ça, on va repartir sur une petite pause musicale. Voilà, à tout à l'heure. We'll be right back. Et rebonjour et rebonsoir, vous êtes toujours en direct de l'émission Au fond auprès du radiateur, 106.3 FM, fréquence, Paris, pluriel. Merci Alexis pour cette superbe pause musicale. Et voilà, donc moi c'est Imane et je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé, enfin je vais revenir sur ce qui s'est passé le 6 novembre en Irlande. Donc pour ceux qui ne le savent pas, on a eu le procès d'un homme assez âgé qui a violé une jeune fille de 17 ans. Cet homme a été acquitté pour la simple et bonne raison que la fille portait un string en dentelle. Donc apparemment le string en dentelle signifie consentement. Donc directement la députée Ruth Coppinger a brandi un string en l'assemblant en disant que c'était totalement inadmissible de prendre ça comme plaidoirie, notamment de la part de l'avocate de l'accusé. Ensuite, il y a eu pas mal de manifestations à Dublin qui sont très bien passées, où il y a énormément de partis qui se sont rassemblés, des gens politiquement engagés ou non. Il y a eu pas mal de manifs aussi dans l'Europe, puisque ça a scandalisé pas mal. On a vu aussi énormément de réactions sur les réseaux sociaux, notamment avec le hashtag This is not consent. Ceci n'est pas un consentement, et des photos de sous-vêtements. Moi, cette histoire, ça me fait penser un peu à la culture de viol. La culture du viol, c'est ce qu'on est en train de voir de plus en plus en Europe. En effet, le taux de viol n'a pas du tout baissé, au contraire, il augmente. Et voilà, et on a de plus en plus de petites phrases comme ça qui viennent pour un peu dédramatiser l'acte et qui laissent presque sous-entendre que les victimes ne sont pas des bonnes victimes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'entend pas toutes les bonnes voix. Par exemple, pour l'avocat en question, le fait que la jeune fille porte un string en dentelle, ça signifie un oui. Alors que, au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Moi, demain, si je mets un string en dentelle, ça veut pas forcément dire que j'ai envie de baiser, comme des fois, je peux sortir en jogging parce que j'ai envie de niquer et pourtant, je serai en jogging. Donc non, le sous-vêtement n'est en aucun cas une preuve du consentement et n'est pas censé nous enlever notre position et notre droit de dire oui ou non à un acte sexuel. Porter de la lingerie dite sexy, ça ne signifie vraiment pas que, coucou, c'est la fête du slip et tu as accès à mon corps. Non, en fait. Et on se rend compte au final qu'il y a un silence, que le silence du coup ne plus être... j'ai bugué, pardon. du coup moi ça me fait penser qu'en fait le silence n'est plus de mise et que c'est malheureux parce qu'en fait il y a des actes comme ça où il y a pas mal de manifs qui se mettent en place, donc forcément tout le monde se soulève, mais que juste après ça redescend jusqu'au prochain acte, jusqu'à la prochaine jeune fille qui cette fois-ci portera un short trop court et on lui dira attention c'est mal. Et ça, c'est pas bien. Je pense qu'il faut pas laisser ça passer. Il faut continuer à se mobiliser, il faut continuer à en parler. Et voilà. Il y a aussi un autre problème qui s'est soulevé, c'est que dans mes recherches, j'ai pu relever qu'en 2017, par exemple, il y a eu 250 000 personnes qui ont été déclarées, donc qui ont été victimes de viol ou de tentatives de viol. Et sur ces 250 000 personnes, on recense quand même 93 000 femmes, 150 000 mineurs et 15 000 hommes. 15 000 hommes, c'est quand même un chiffre énorme. Et en fait, dans mes bouquins, j'ai vu que plusieurs fois, on sortait aux hommes, en l'occurrence, écoute, je comprends pas comment t'as pas pu te défendre parce que t'es un homme. En fait, je trouve ça aberrant. Et cette phrase-là, elle est aussi revenue dans les mêmes cas que pour certaines victimes, où par exemple, on sait qu'il y a que 9% de la population qui porte plainte, et que chez les 9%, il y a une victime sur 10 qui verra son agresseur condamné. Le reste du temps, on va lui dire, tiens, jeune fille, qu'est-ce que tu faisais dehors à cette heure-ci? Garçon, pourquoi tu portais ça? Tiens, garçon, pourquoi t'as consommé ceci? Jeune fille, tu étais trop ivre. Et en fait, c'est des réponses. Enfin, il y a une notion de bonne victime ou de mauvaise victime qui est mise en place. Et c'est des réponses totalement absurdes et qui n'ont pas de sens. Quand une personne vient porter plainte pour viol, en aucun cas, je pense que c'est recherché. On se dit pas le matin, je vais sortir et j'allais me faire agresser par 5 mecs dans une cave. Non. Et en fait, le problème qui se passe, c'est que le problème, c'est pas les victimes. Le problème, c'est clairement, ce sont les agresseurs. C'est dans les mentalités que ça doit changer. Et voilà. Et du coup, c'est quelque chose d'assez déplorable. Après, la question, c'est comment faire changer ça, comment amener des différents mouvements de pensée. Ça, j'en sais rien. Mais c'est pas quelque chose qu'on doit négliger. Dans le jugement, par exemple, de l'Irlande, ça serait intéressant de savoir. Qu'est-ce qu'ils recherchent justement comme détail pour du bon consentement? Qu'est-ce que le consentement pour eux? Ouais, clairement dans le procès, en fait, c'est ça la question. C'est ça la question qui a été soulevée par la députée, c'est la question qui a été soulevée par l'avocate de la victime. Mais il n'y a pas vraiment eu de réponse. Tu vois, la seule réponse qu'ils ont sortie, c'est oui, mais elle porte un string. Donc ça, ça doit être le présumé coupable qui a dû sortir ça comme argument. Son avocate elle aussi, portait un string, alors... Ouais, mais ça veut rien dire, tu vois. C'est comme si demain, je sais pas, moi, je me balade à Marseille avec un tueur de Paris et je me fais buter. Ouais, mais elle porte un maillot du PSG. Ouais, mais en fait, non... Tu vois. Et le pire, c'est que voilà, c'est que ça a été confirmé. C'est ça, en fait. Ça a été confirmé c'est par ça. Le juge. Par le juge, par les instructions. Il a dit qu'elle a porté un. Et donc, il n'est il pas. Il a coupable. Été acquitté, en fait. Il a été totalement acquitté. Et voilà. Donc, ça veut dire que demain, moi, je me fais violer. Mon agresseur va ressortir dans la rue tranquillement. Et ça peut faire jurisprudence. Ouais, ça se trouve en plus. Donc, c'est ça. C'est complètement. Et voilà. Mais c'est pas la première fois que ça arrive, en fait. C'est pas la première fois que ça arrive. Et ça arrive dans plein d'autres cas. Là, moi, je parle du viol. Mais dans beaucoup de situations, on entend souvent ça, tu vois. Oui, mais. Il y a eu ceci, mais. Alors que cette question ne devrait même pas se poser, la question du mais, tu vois. Voilà. Et voilà. Et en fait, par rapport à ça, il y a pas mal de militants qui se sont retrouvés, qui ont créé un site qui s'appelle Nous Toutes. Nous Toutes, c'est un site qui est, c'est un site et c'est un collectif qui est là en fait pour en finir avec tout le sexisme et les violences sexuelles. Donc que ce soit sur toutes les minorités, que ce soit sur les hommes, toutes comme les femmes, tout comme les la question du genre et les LGBT. C'est contre la dévalorisation, contre l'humiliation, et voilà. Et en fait, ces personnes-là, donc il y a pas mal de militantes, il y a aussi, il y a pas mal de militantes qui ont décidé en fait de militer le 24 novembre, place de la Madeleine, donc ça se passera à 14h, et voilà. Donc tout le monde est appelé à venir, c'est ouvert à tous. Et en fait, même si je pense qu'on se sent pas forcément impacté, alors, enfin c'est très grave, mais je pense que même si on se sent pas forcément touché directement par cette question-là, je pense qu'on a tous notre place dans cette manif parce que au-delà de militer, certes, là, c'est pour les violences sexistes et sexuelles. Au-delà de ça, je pense que c'est juste pour lutter contre ce qui nous est intolérable, en fait. Parce que, voilà. Ok, donc le prochain rassemblement, c'est ça. Ouais. Oui, donc ça peut être un moyen de se rassembler, militer, en parler. Peut-être, est-ce que tu connais d'autres manières, d'autres méthodes, d'autres, peut-être des pages sur Internet qui accompagnent ça ou qui... Bah, du coup, alors pour celle-ci, il y a clairement le site noustoutes.org. Qui en parle. Après, il y a une émission qui est dirigée par Rokhaya Diallo, normalement. Elle est sur YouTube, mais je retrouverai le nom pour le mettre en ligne. Okay. Et voilà. Et elle, pareil, en fait, elle parle de toutes ces questions-là, etc. Et comment les suivre. Après, en fait, elle, ce qu'elle demande, clairement, ces femmes, au-delà de partager l'info, c'est vraiment la présence, en fait, tu vois. C'est vraiment la présence parce que c'est le nombre qui fait la force. Et de toute façon, ce week-end, c'est quand même une journée de gros rassemblements. Il y a d'abord les gilets jaunes, et donc je pense qu'il y a ça aussi, tu vois, ça peut faire beaucoup de choses. Ça peut vraiment faire mal, et ça peut taper sur les doigts de notre petit gouvernement, qui ne fait rien pour ça, qui ne fait clairement rien pour ça, et voilà. Parce que je suis désolée, quand un policier, quand tu vas porter plainte pour viol, un policier qui représente un peu l'ordre, ou même les juges, enfin un juge, c'est comme la justice, te dit qu'en gros, meuf, la prochaine fois, porte pas ceci, ou ne fais pas ceci pour pas te faire agresser, c'est qu'il y a vraiment un problème, en fait. Donc le monde tourne de pas rond et voilà. Ils accompagnent cette réflexion. C'est ça. Complètement. Totalement. Mais c'est soutenu, en fait. Tu vois, c'est soutenu, c'est pas... Tu vois, donc ouais. Bah voilà, on en parle. On accueille évidemment, que ce soit des collectifs, associations, ouais. Peut-être syndicats, voilà, de défense des droits des femmes, mais plus précisément voilà, sur la question du viol et comment ça se passe en France. Vous savez que vous pouvez toujours nous envoyer un message sur la page de la radio... enfin de l'émission Au fond près du radiateur de la radio Fréquence Paris Pluriel. On a une page donc sur Facebook et on peut très bien vous accueillir ici pour en parler et prolonger le débat. Et au-delà de ça... Ou la discussion, oui. Pas forcément que des... Enfin, oui, des collectifs qui défendent les droits des femmes, certes, mais aussi ceux des hommes, en fait. Parce que, tu vois, le viol, là, je parle du viol, mais c'est même les mecs qui sont agressés. Il y a la violence conjugale, en tout cas sur les hommes, ça existe, tu vois. Et pareil, il y a énormément d'hommes qui ne vont pas porter plainte parce que, tu vois, dès que t'en parles, c'est « Ah, mais attends, d'où tu te battes par ta femme ? D'où ta femme te machin ?» Tu vois. Donc déjà, il y a ce rapport à la femme, en mode la femme est censée être plus basse que l'homme. Et il y a aussi le rapport à « Ah, en fait, mec, t'es censé être un mec, donc t'es un bonhomme, t'as des gros muscles, et tu vois, et tu fais un peu régner l'âme, t'es un peu l'alpha, c'est entre que guillemets. » C'est que l'amalgame, c'est ça. Et au final, dans les beaux discours de tous les hommes, c'est les premiers à dire « Non, on veut l'égalité pour tous », mais en vrai, quand on passe aux actes, il n'y a plus personne, tu vois. Et du coup, ouais, moi, j'appelle vraiment surtout les collectifs aussi, enfin, d'autant plus les collectifs qui sont là pour défendre les droits des hommes, donc hommes masculins, à venir, en fait, parce que leur voix, elle est tout aussi importante que celle des femmes. Faut pas qu'on tombe dans le même piège, c'est justement, d'inviter que peut-être... C'est ça, parce que oui, bien sûr que la question des femmes est hyper importante. Avec tout ce qu'on vit, c'est normal, tu vois. Mais des fois, moi, je trouve qu'on parle tellement de ça, mais qu'on oublie aussi de dire qu'il y a aussi des hommes, en fait, qui subissent certaines agressions, tu vois. Donc je pense que c'est très important de le rappeler et que voilà, les, tous les collectifs qui sont pour ça sont bien évidemment les invités. Et avec un plaisir, on vous reçoit et on discutera de ça et de voir peut-être des actions que, qui sont mises en place, peut-être des événements, des rassemblements, des, tu sais, des chambres, enfin des salons où tu peux discuter qu'entre personnes, tu vois. Parce que je sais que pour les femmes, il y a beaucoup de... J'ai pas de nom, mais quand tu te ressembles avec plein de femmes violées, que tu discutes, tu vois, c'est plus simple. Bah, il y a peut-être des trucs comme ça pour les mecs. Tu vois, ça, on n'en parle jamais, mais ça se trouve, il en existe, tu vois. Donc voilà, ce serait cool de... Il est concerné, peut-être victime de ça, et évidemment, peuvent aussi venir et nous contacter pour en parler. On rappelle que l'objectif de cette émission, c'est de donner la parole aux concernés, les premiers qu'on entend assez rarement, sans publicité, avec de la musique. Et voilà, c'est ça, au fond, près du radiateur. Et voilà. Ben, merci, Iman, pour cette discussion sur ce sujet. On va terminer l'émission. Notre Alexis va nous repasser un quelques petit son musiques. Il aura grand plaisir à pouvoir parler de ces musiques. Il est passionné, il est artiste à côté également. N'oublions pas. Il pourra même nous faire des mix peut-être bientôt un jour à l'émission. Il y a une platine, on la branche et voilà, c'est OP. Donc voilà. Merci à tous. Et n'oubliez pas, bien évidemment, les rassemblements ce week-end. Je crois que c'est Place de la Concorde pour les Gilets jaunes. Et un appel des Gilets jaunes. Un appel des Gilets anti-racistes. Jaunes. Antiracisme aussi, ouais, on l'a vu tout à l'heure et tout. Donc ça, c'est. Voilà. J'ai bugué. Oui. Et donc voilà, merci beaucoup. Et aussi Place de la Madeleine, 14h. Et voilà, on vous attend, nous on y sera. On passera on mettra le podcast par lien sur la page Facebook au fond près du radiateur. Et elle arrivera ce soir ou demain. Et on termine en musique avec Alexis. Merci à tous. Merci à tous et bonne soirée. Et l'amour sauvera le monde. far it will.